Chapitre 3. C'était sa nièce qui venait le voir. Michel, fille de son frère, et qui, sur un front de 20 ans, portait la couronne de ses cheveux d'or. Il y avait dans ses yeux et partout son visage une tremblante gaieté d'espoir. Ses lèvres commençaient un sourire et n'osaient l'achever jusqu'au rire. Elle ressemblait à l'indécis printemps qui prélude. Elle dit au bonhomme : « On dit que la guerre est sur le point de finir, le croyez-vous ? » Le frère Siméon, qui n'en savait rien, répondit « Je le crois volontiers. Et que les Sarrasins demandent merci ? Veuillent-ils s'amender ? Et que nos soldats reviennent ? Il faudra bien les accueillir. » « Vous le saviez, oncle Siméon ? » ?»« Mais non, tu es venu la première m'annoncer la jolie nouvelle, comme la caille et l'hirondelle annoncent le printemps. » Inattentive aux gentils compliments, Michel montra son dépit. « Vous ne le saviez pas ? » s'écria-t-elle. « Ce n'est donc pas vrai ?»« Eh, petite !» Bien des choses sont vraies, et je n'en sais rien. Cela compense d'autres choses que j'ai cru savoir, et qui ne sont pas vraies le moins du monde. Mais à mesure que je vieillis, j'oublie, et par l'ignorance, j'ai conduit beaucoup d'erreurs. » Michel ne voulut point que son propos fût éludé. Elle interrompit le bavardage du bonhomme. « Ah, dit-elle, vous ne croyez pas que la guerre finisse ?» Le chagrin se vit dans ses yeux et partout son visage. « Mais si je le crois, petite, reprit le frère Siméon. Vous le croyez, mais vous n'en savez rien. Savoir et croire sont deux sortes d'opinions, moins différentes que tu ne le supposes. Pourquoi donc croyez-vous que la guerre finisse ? » Avec une tendre sincérité, le bonhomme répondit. « Parce que tu me l'as dit. » « Mais moi, je n'en sais rien. » « Et parce que tu le désires. » Peu s'en fallut que le respect n'empêcha point Michel de se fâcher, et elle eut pris pour moquerie tant de loyale complaisance. « Eh bien, dit le frère Siméon, s'il te faut des raisons, quelle imprudence! Je vais t'en donner, une au moins. Si elle est bonne, je te prie de ne pas en chercher d'autres. Si elle ne l'est pas, les autres non plus. Mais elle est excellente. Il faut que la guerre finisse, car rien ne dure en ce monde momentané. Nos plaisirs ne durent pas, ni les roses. Si nos déplaisirs duraient plus longtemps, l'harmonie du monde en serait défaite. Les chardons et les ronces, répliqua Michel, durent beaucoup plus longtemps que les roses. Le frère Siméon sourit au péril d'une allégorie, empruntée cependant au joli art des jardins, petite affaire où il avait sa compétence. Et continua Michel, la guerre dure depuis très longtemps. C'est pour cela qu'elle finit. Le frère Siméon fut content de sa riposte, et pour encourager Michel, il insista. Elle est vieille la guerre et moribonde, si vieille et si fatiguée, à faire pitié. Que non, je n'ai point de pitié pour elle. Michel s'égaya, le frère aussi. Et dit pourtant, c'est quelque chose encore qui s'achève et meurt. Quelque chose de laid. Oui, quelque chose. Mais la gaieté de Michel ne permit pas qu'on l'attristât. Et quand la guerre sera finie, bientôt. J'en reviendrai et je l'épouserai. Tu l'aimes ? Car il est beau, large d'épaule, mince du baudrier. Il t'aime ? Car je ne suis pas laide non plus. Non, Michel, tu n'es pas laide. Et sauve-toi. Il est temps que je travaille. J'ai beaucoup flâné ce matin. Le frère Siméon, qui s'en retournait au jardin, songeait à la beauté de Michel, de sorte que lui venaient à l'esprit et aux lèvres, mais il avait soin de ne pas les prononcer, les mots du cantique de Salomon, les seuls mots de volupté que l'Église consacre, où les attraits du corps féminin sont vivement célébrés. Il ne troublait pas la sérénité du bonhomme, il l'amusait pour ainsi dire. Et comme il est admis que les tendresses du cantique symbolisent une ferveur de sainteté, le bonhomme allait à épiloguer en secret, sur l'aide plaisante que donne aux dignes volontés de l'amour divin, le préambule des humaines amours, en ce monde qui est le vestibule de l'autre.